ancêtres. Elle parle sans langue, elle voit sans yeux. Chaque goutte contient un serment, une prière que le désert n'a jamais oubliée. Reille de Skil, tu es notre ombre dans la poussière. Tu es le chant que les dunes enterrent, mais que l'eau révèle quand elle touche nos mains. Zach Medrine, Selchana, Dartir Reille de Skil. Nous ne buvons pas pour vivre. Nous gardons l'eau comme on garde l'espoir, et nous chantons à ceux qui sont devenus rivières. Reille de Skil dans la pierre, reille de Skil dans la mer qui dort. Ton nom roule dans nos veines, ton souffle gonfle les nappes souterraines. Elle efface la peur, elle nous lave de la guerre. C'est dans la goutte la plus rare que se cache la force du peuple. Reille de Skil, gardien des eaux anciennes, ceux qui te suivent Shidi Talmek Shay Halem Raiderski. Chaque goutte entend nos voix, chaque silence boit nos douleurs. Raiderski, mémoire liquide, même la roche te cède. Tu es le courant du souvenir, tu es l'appel au cœur du vide. Sacrifier la soif.